donc un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue sur Érigé, la radio de June et Aidé tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, Érigé 90.7 sur Bordeaux et erigfm.fr, évidemment via internet, évidemment partout all over the world. Comment allez-vous toutes et tous? Eh bien écoutez, moi ça va bien, je suis heureux de vous retrouver en ce premier mercredi du mois de février pour l'émission Johnny de A à Z en live. Ce soir je vous propose deux concerts que Johnny a pu donner. Un dans les années 70 et l'autre dans les années 80. Allez, je vous dis de suite, on va aller du côté de Spa en Belgique et après on ira du côté de Paris à Vélizy. Mais nous allons de suite commencer cette émission en vous parlant de l'année 1975, le concert que nous allons écouter dans quelques secondes. 1975, Tommy Brown quitte le navire et prend le large. Son départ marque la fin d'une époque magique, certainement la plus belle dans la carrière de Johnny Hallyday. Il le remplace à la batterie et à la direction d'orchestre Alain Boudou-Wess, ex-membre du groupe Devotion et Alice. Passionné de musique western et de country, Marc Bozonnet intègre l'orchestre où il se distingue à la pédale steel guitar et à la guitare rythmique. On remarque aussi l'entrée dans le groupe du Guadeloupéen Eric Bami, transfuge d'un groupe de rhythm and blues des années 60, les Flow Gators, et repéré par Lee Hallyday en juillet 1973 au Studio des Dames et recruté urgemment, il a pris en charge la sélection des choristes et le coaching de l'orchestre. Pendant 27 ans, il demeura la doubleur vocale de Johnny Hallyday, lui épargnant la rituelle corvée des balances lors des innombrables tournées hexagonales. Signalons enfin un événement qui a son importance en cette année 1975, le premier show du boss organisé par Jean-Claude Camus, le 27 et le 28 mars au Parc des Expositions de Rouen, lequel spectacle a attiré 5000 spectateurs. Et le 22 mai suivant, la route de Johnny Hallyday croise celle de Dick Rivers, comparse rocker avec qui il partage la scène sous chapiteau Agones. Et le 26 juin, ce qui nous intéresse ce soir, Johnny triomphe au casino de Spa. Le fan club belge édite bientôt un 33 tours vinyle tiré à 300 exemplaires et reprenant l'intégralité de ce concert très rock, à l'instar des deux derniers albums de Dégage à Tutti Frutti, en passant par Rockin' on Man, 37e étage et La fille de l'été dernier, l'un des deux succès du single, l'autre étant Hey Lovely Lady. C'est le concert de Spa du 26 juin 1975 que je vous propose. On écoute ça tout de suite. Bonne soirée à toutes et à tous sur RIG. en scène. La radio de John Hallyday. Ce soir, en nous écoutant John Hallyday en live et en ce moment, c'est à Spa, en Belgique, en 1975. Voici tout de suite Rockin' Mon Man. Dans le soleil d'un projecteur, je n'étais qu'un homme, mais alors j'ai compris l'envie qui dormait dans mon cœur. On l'appelait le king of rock and roll. Il était devenu l'idole. Quand il chantait, la foule criait son nom et les filles devenaient folles. Brrr, c'était un rock and roll man. C'était un rock and roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Rock and roll man. Les cheveux noirs dans ses cachant presque ses yeux. Quand il chantait le rock'n'roll sur sa guitare écrit dans les trucs d'argent, il y avait son nom. Et rock'n'roll, j'avais l'envie de ce que je sais. Et puis la mort de rock'n'roll, j'ai chanté ses chansons et je fais dans ma vie comme sa vie une course folle. Je suis un rock and roll man. Je suis un rock and roll man. Et c'est sa vie, et c'est ma vie. Rock and roll man. Ses cheveux là dans ses cages sont presque ses yeux. Quand il chantait rock and roll sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait. Dude! ombres qui avaient laissé la misère de toute une enfance. Des parfums de Memphis, ils s'est échappé pour lui jeter la dernière chance. We get a rock and roll, man. We get a rock and roll, man. Et c'est sa vie, et c'est ma vie. Rock and roll, man. C'est oui quand il fait noir. Mais elle habite au 37ème étage. Et l'ascenseur est en rodage. Et je monte un, deux, trois, quatre étages. 5, 6, 7, 8, 9 étages. Et son tout, je suis essoufflé. Encore un autre, je vais me répondre. Faisons l'amour, pour un autre jour. Elle vient de m'appeler au téléphone. Elle me demande si je l'aime encore. Je suis au lit et j'ai les pieds malades. Et l'ascenseur est en rodage. Et je monte un, deux, trois, quatre étages. Cinq, six, sept, huit, neuf étages. Et sans doute je serai soufflé. Encore un autre, je vais tomber. Encore un autre, je tombe un autre jour. Il faut trouver une solution. En attendant, je prends les escaliers. Je l'aime et je veux en profiter. Et la vie est au 7ème étage. Et l'ascenseur est en retard. Je monte, je prends 4 étages. 5, 6, 7, 8, 9 étages. Et sans doute, je suis désolé. Encore un autre, je vais demander. Faisons l'amour, faisons un autre jour. Tout le monde. Ça va? Wouh! Oh, bienvenue à la santé. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. Cette soirée que nous allons passer ensemble, vous allez vous amuser. Vous savez, moi je ne suis pas venu ici ce soir pour travailler, hein. Je suis venu pour m'amuser moi aussi. En 1961, avec une chanson qui commençait comme ça. Day and night, never grow myself a sis, always treat me right, never running the streets, leaving me alone. She knows a woman place right there on in her home. I got a woman, way out of town, good to me. Oh yeah. Well, don't you know I got a woman, way out of town, good to me. Oh yeah, she's got to help me. She's a kind of woman in me. I got a woman way up town. Good to me. Oh, yeah. But you know she's all right. Well, she's all right. She's all right. Well, she's all right. Oh, she's all right. Well, I got a

perdu. What am I to do? Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seul la nuit, je les ont les rues, ils se vont tout droit en prison. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour profiter de Johnny Hallyday en live. Nous sommes le 26 juin 1975. Johnny donne un concert en Belgique à Spa. Et là, on devine très bien quelle chanson va être diffusée, va être chantée. Oui, c'est Que je t'aime sur RG. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles aux fraises. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ta bouche fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux qu'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non. Que je t'aime, que je t'aime.

Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jus. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Où est la musique vivra? Que je t'aime, que j'ai mal entre mes, je pleure mais je chante quand même. Ma prière pour te garder sur de la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de plus. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'elle a vu. J'aimais mes joies, j'aimais mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Je chante quand même. C'est la prière pour me garder toute la musique que j'aime. Et bien de là, et bien de plus. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'elle a plus. Wouh! Tout va bien, vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday. Il serait temps. Est-ce que vous vous sentez prêts? Est-ce que vous vous sentez prêts pour entendre un tango maintenant? Est-ce que vous vous sentez prêts pour entendre une valse? Est-ce que vous voulez entendre de l'accordéon? J'étais avec une fille qui me plaisait bien, mais j'ai dû la quitter sans attendre demain. Ma gueule, son amoureux ne me comprenait pas, car elle était bientôt différente de moi. Elle a passé quoi par la fois que je l'ai quitté. Tant que je la vois, elle ne sait que répéter. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Quand j'aurais voulu l'avoir seul avec moi, elle avait mis des amis. bras. Je ne savais pas le pleurer dans mes bras. N'a pas su comprendre pour que je l'ai quitté. Sans que je la vois, elle ne sait que répéter. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Je croyais bien qu'elle m'avait enfin oublié. Mais j'ai n'en étais rien, j'ai pu le constater. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quitté. Comme que je la vois, elle ne sait que répéter. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Vous êtes formidable. Allez, encore un titre de ce Spa 1975. Hey! Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que vous êtes formidable. Merci. À bientôt. Salut. C'était le concert de Johnny Hallyday en 1975, le 26 juin, en Belgique, à Spa exactement. Maintenant, nous allons passer dans quelques secondes au deuxième concert de la soirée. Le concert ne sera pas en intégralité, car dans la version qui existe, il manque deux titres. Mais j'en vous en parlerai tout à l'heure, après la présentation de la tournée d'hiver de 1982, qui a débuté à Lille le 24 février 1982, et s'est arrêtée le 21 mars à Vélizy, près de Paris. Et c'est un Johnny tout de cuir vêtu qui démarre à Lille sa tournée hivernale à travers la France avec le rituel croché par la Belgique. Il crée des titres de l'album Quelque part un aigle avec L'Hosto, La Caisse, Montpellier et glisse au milieu d'incontournables revues et corrigées selon l'air du temps par un groupe adepte de synthétiseurs, le plus rare, J'ai oublié de vivre, apprécié du grand public. Et un concert prévu à Bresle dans l'Oise le samedi 20 mars est annulé pour cause de mauvais temps. Et la tournée connaît un épilogue en apothéose le lendemain à Vélizy en région parisienne, donc c'était le 21 mars 1982. 10 000 personnes se pressent sous le chapiteau dressé sur le parking du centre commercial où un gala exceptionnel animé par l'ami Sam Bernet est donné en soutien à la station de radio RFM en difficulté financière. Alain Souchon, Daniel Balavoine et Nicolas Perrac partagent l'affiche avec Johnny Hallyday. Et le concert que je vais vous faire écouter, il manque deux titres. Le premier, c'est le titre La Caisse et après, le fameux medley qu'on retrouvera après dans le concert au Palais des Sports en 1982. Voici tout de suite Johnny Hallyday en live à Vélizy. C'était en 1982. Souvenir, souvenir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et on commence tout de suite ce concert avec le titre J'en ai marre. Vous écoutez RIG jusqu'à minuit, bien sûr. Restez là, bien sûr. On écoute Johnny. Et comme vous l'avez rêvé,

sur le bout de tes doigts. J'ai mal de voir te faire greffer trois langues de plus pour calomnier mes amis tous à la fois. J'ai mal de voir te faire greffer un temps de plus si tu veux que je continue à t'aimer. Et si tu trouves un sens, il ne t'a que faire ça. Quand tu ne l'auras pas, quand tu ne l'auras pas. Et si tu trouves un sens, il ne t'a que faire ça. Quand tu ne l'auras pas, quand tu ne l'auras pas. Écoutez Érigé, la radio de Junaïdé tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Nous ce soir, Junaïdé en live. Et on écoute Junaïdé à Vélizy. C'était en 1982. Quoi ma gueule ? Qu'est-ce que là ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent, un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Mais t'as rien dit, tu l'as déjà dit. C'est la nuit, ma gueule et moi on est sortis, on cherchait plutôt les amis. Quoi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Oui, elle a une grande gueule. fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, hier idée, ne m'a pas lâché d'une ombre. Quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Toi la fille qui m'a aimé.

tout recommencer. Voulais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Chez toi, n'ose pas. Quand ta pudeur dit non, il te dit. C'est moi qui dis non. Sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Allez, encore trois titres avant de terminer cette émission. Gabriel, Jouer de vivre, Deux étrangers. C'est ce qui vous reste pour écouter ce concert Vélizy 1982. On retrouvera le podcast un peu plus tard, demain ou après-demain. Nous sommes encore ensemble pendant un petit quart d'heure. J'espère que vous profitez bien de cette soirée live. son nom. Ton amour étrange, ma vie et l'enfer. Et bien comme un espoir, car dans tes mains je me vois chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et le fumer étouffer sous tes griffes. Ça fait vraiment plaisir de terminer cette tournée ici avec vous. Et vous pouvez pas savoir ce que ça représente pour un chanteur et un groupe sur scène de chanter le soir et de chanter devant tous les soirs des gens qui sont vraiment du fond du cœur, vraiment super. Je crois que ça nous récompense pour bien des choses. On oublie la fatigue, on oublie tout quand on est avec vous, ça c'est formidable. Et pour ça j'aimerais terminer avec une chanson que je n'ai jamais chantée sur scène avant cette tournée. Une chanson que je pense que vous avez bien aimée il y a quelques années. Une chanson qui commence à peu près comme ça. À force de briser dans mes mains des guitares, sur

notre amour. Et l'orage en tempête, on se perdit chacun notre tour. Et après tant d'amour, et après tant de jours, il ne reste que des étrangers. Pas de larmes, pas de haine. Il y a trop de gens autour de nous. Je voudrais dire que je t'aime, mais je ne te retiens. très synthétique, rien à voir avec la version de 1980. C'était l'un des extraits de ce concert à Vélizy en 1982. Et ce titre, Deux étrangers. Cette émission Johnny de A à Z spécial live du mois de février avec les concerts de Spa en 1975 et Vélizy en 1982. On se donne rendez-vous pour le mois prochain pour un nouveau Johnny live. Mais sinon, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Johnny de A à Z. Je remercie encore à toutes et à tous d'avoir participé et toujours merci pour votre présence tous les mercredis. À bientôt, ciao ciao et bonne nuit à toutes et à tous. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Il est minuit et 4 minutes sur l'antenne de R.I.G. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de la programmation nocturne de R.I.G. bien entendu. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao. Part of the summary, reflecting the scene.